Vous suivez Sanganiro, voici le sommaire de ce journal. Le Conseil national de la communication rassure les responsables des médias et les journalistes pour une franche collaboration en vue de la couverture médiatique des prochaines élections. Alors que des administrateurs de la Banque mondiale sont en visite au Burundi depuis ce jeudi, un nouveau projet d'appui du secteur énergétique au Burundi qu'il va financer pour une enveloppe de 190 millions de dollars vient d'être approuvé. Et la distribution des produits Burundi pose problème dans la province d'Okarossi. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Alphonse Koubguimana. À la présentation, Jean de Dieu Irakoze. Bienvenue. Ouvrons ce journal. Certains habitants de la capitale de Bujumbura déplorent que les députés ne s'impliquent dans la gestion des problèmes auxquels les électeurs font face. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro indiquent qu'ils n'ont plus eu vent de ces élus depuis la période électorale. Selon eux, les promesses qu'ils ont tenues n'ont pas été respectées. Ils indiquent qu'ils espèrent que les prochaines élus pourront faire de leur mieux. Suivez-les. Les problèmes auxquels nous faisons face ici au quartier Kinama sont entre autres les coupures d'eau courante électrique, la pénurie d'eau potable, les routes sont en mauvais état. On nous avait promis de régler ces problèmes, mais en vain. On a voté pour eux et après cela, ils ont disparu. Ils n'ont pas mis en application ce qu'ils nous avaient promis. On mène notre vie ainsi, sans avoir aucune nouvelle de leur part, contrairement à la période où ils faisaient campagne. Ce temps-là, ils venaient jusque dans nos maisons. Malheureusement, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Ceux qu'on a élus ne font rien pour nous. Lorsqu'on fait face à un problème et qu'on cherche le chef collinaire, qu'on lui demande de signer un document ou de distribuer une convocation, il veut toujours monnayer ce service. Mais lorsque la période électorale approche, ils nous disent de voter pour eux en nous promettant monts et merveilles. Mais après cela, on n'a plus de nouvelles. Ils ont essayé de nous aider, mais pas tellement, car vous voyez que le chômage nous guette. Il y a aussi une pénurie de carburant. Ici à Kamenge, la situation s'est empirée. On ne nous fournit pas en eau potable. Il y a également des coupures de courant électrique. Et ceux qui ont des cafétérias ne travaillent pas bien. On n'a plus revu ces élus depuis qu'on a voté pour eux. Mais nous savons que nous allons les revoir prochainement. Vu qu'on est à l'approche des élections, la population est lasse de cette situation. Nous demandons que, si une fois nous votons pour eux, qu'ils nous rendent service sans rien demander. Que ceux qui vont faire campagne ne viennent plus nous mentir, car on a remarqué leur stratégie. Qu'ils mettent en application leurs promesses, contrairement à ceux qui ont fait campagne dernièrement. Certains habitants de la capitale économique Bujumbura, certains députés élus dans la mairie de Bujumbura disent qu'ils ont accompli leur mission en trouvant des solutions aux problèmes qui leur ont été exposés. Honorable Guiteke Pascal donne l'exemple de la libération des citoyens qui étaient détenus illégalement. Il explique que le défi majeur est le fait que chaque député est considéré par la population comme membre du parti au pouvoir. Parmi les doléances que la population nous adresse, qu'il s'agisse des personnes emprisonnées dans les cachots, nous avons pu, en ce qui nous concerne, en mairie de Bujumbura, faire de notre mieux pour faire valoir les droits des personnes qui nous ont saisis. De tels cas se sont observés, notamment dans la commune de Nahangwa, où beaucoup de personnes nous ont saisis. Étant un député non issu du parti au pouvoir. Quelquefois, nous faisons face à plusieurs défis. Quand vous saisissez certaines autorités, après seulement la présentation de votre salutation, elles vous demandent votre parti d'origine pour savoir si vous êtes de la même formation politique. Le premier obstacle auquel les députés font face en matière de leur travail de représentation de la population, c'est le mode électoral basé sur les listes bloquées fournies par les partis politiques. Dans ce cas, ce sont ces partis qui élaborent les projets de société. En général au Burundi, et compte tenu de ce mode d'élection, il existe un manquement qui nous empêche de servir convenablement le peuple que nous représentons. Honorable Guiqueke Pascal, était traduit en français par Omer Ndouaïo. Je vous le disais dans les titres, le Conseil national de la communication, CNC, rassure les responsables des médias et les journalistes pour une franche collaboration en vue de la couverture médiatique des prochaines élections. Espérance Ndaï Zeye, élue Sojedi, présidente de cet organe régulateur de médias burundais, l'a déclaré lors d'une réunion extraordinaire de la mise en place de nouveaux organes du CNC. Elle précise qu'elle va poursuivre la sensibilisation des responsables administratifs sur l'apport du journaliste dans le développement du pays. On l'écoute. J'avais déjà été au CNC en tant que secrétaire exécutif dans un moment comme celui-ci, à la veille des élections de 2010. Nous avons organisé la presse dans la couverture de ces élections et rien de grave ne s'est passé. La couverture médiatique a été un succès. Je suis convaincue qu'ensemble, avec les responsables des médias, nous allons définir les règles de couverture médiatique des élections de 2025 et de 2027. Et je suis convaincue qu'ensemble, nous allons réussir cette couverture. Nous devons toujours nous assurer que les journalistes ont accès à une information là où elles se trouvent et qu'ils ont aussi à cœur les règles de ce métier et qu'ils puissent donner à la population une information qui leur servira d'intérêt pour leur épanouissement social. Je vous remercie. Espérance Ndaï Zeye, elle est présidente du Conseil national de la communication CNC. Après une courte pause, le journal continue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. En page économie, améliorer la productivité agricole est l'une des priorités que s'est fixé le gouvernement du Burundi pour arriver à un développement durable. Le Premier ministre Gervais Ndirakobucha l'a dit ce vendredi au cours d'une réunion avec le groupe de la Banque mondiale en visite officielle au Burundi depuis ce jeudi. Suivez le Premier ministre Gervais Ndirakobucha. Je voudrais vous mettre au courant des priorités majeures que le gouvernement a déjà identifiées. Il s'agit entre autres de l'amélioration de la productivité agricole et l'introduction de nouvelles technologies de transformation agroalimentaire. La diversification de l'économie pour accroître la production locale afin de promouvoir les exportations d'une part et permettre l'impôt substitution d'autre part. La transformation structurelle de l'économie, le développement des infrastructures, y compris le digital, l'adaptation au changement climatique et la préservation de l'environnement et de la biodiversité, le développement du capital humain, la diversification des opportunités dans le secteur des services, de l'agriculture commerciale et l'exploitation minière, du tourisme, de la pêche et de l'intégration régionale. À ce titre, je profite de votre présence pour vous présenter d'autres projets prioritaires intégrateurs déjà initiés. Il s'agit entre autres du projet de construction du chemin de fer Uvinza-Musongati, Gitega-Uvira-Kindu, du projet de construction de l'autoroute Bujumbura-Gitega, du projet d'implantation des agropoles, du projet d'aménagement et de bitumage de la RN101, du projet de développement des infrastructures d'irrigation. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République du Burundi, réitérer mes sincères remerciements au groupe de la Banque mondiale pour ses multiples appuis aux efforts et projets du gouvernement en vue de stimuler une croissance économique inclusive et d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes. Plus particulièrement, Je voudrais remercier vous-même, mesdames, messieurs les administrateurs, pour être venus visiter le Burundi afin de vous rendre compte de l'état d'avancement des projets en cours. Nous sommes confiants que notre requête d'augmentation de l'enveloppe budgétaire a été entendue et sera prise en compte, surtout dans le cadre de la mobilisation des ressources de l'IDA. Gervais Ndirakobucha, il est Premier ministre burundais. Un nouveau projet d'appui du secteur énergétique au Burundi pour une enveloppe de 190 millions de dollars, dont un montant provenant de la Banque mondiale, a été approuvé par cette banque en date du 26 juin de cette année. Dans un communiqué, la Banque mondiale informe que près de 2,5 millions de personnes sont concernées par un accès amélioré à l'électricité. Ce nouveau projet vient compléter le projet national d'énergie dénommé Soleil Nyakiriza, au moment où le plan national de développement PND montre que seuls 13% de la population burundaise ont accès à l'électricité. Plus de détails avec Mireille Kanyang. Selon ce communiqué, ce nouveau projet d'appui à l'amélioration de la performance du secteur énergétique au Burundi, la mauvaise qualité des services d'électricité compromet les opportunités de croissance économique et le manque d'investissement a compromis les efforts d'expansion d'accès à l'électricité. C'est un projet de 190 millions de dollars de dons de l'Association internationale de développement IDA et le reste, les 90 millions de dollars, proviendront d'autres donateurs, à savoir la Banque européenne d'investissement, l'Union européenne et l'Agence française de développement. Ce projet va appuyer un projet dit pilote de distribution mené par une entreprise privée dite Weza Power en vue d'améliorer la fiabilité et la qualité du réseau électrique par le biais d'une assistance technique à certaines entités gouvernementales. Ce projet devrait bénéficier à environ 2,4 millions de personnes, à 1200 institutions publiques et 6000 petites et moyennes entreprises et industries grâce à un accès nouveau ou amélioré à l'électricité. Ce projet appuiera un projet dit pilote de distribution mené par une entreprise privée dite Weza Power en vue d'améliorer la fiabilité et la qualité du réseau par le biais d'une assistance technique à certaines entités gouvernementales. Ce financement de 190 millions de dollars va cibler les ménages dirigés par des femmes, ainsi que les micro, petites et moyennes entreprises dirigées par les femmes, quitte à atteindre l'objectif du gouvernement burundais de 30% d'accès à l'électricité jusqu'en 2030. Selon toujours ce communiqué de la Banque mondiale du 26 juin, ce nouveau projet va compléter le projet national d'énergie solaire dans les communautés locales où vivent plus de 9 millions de personnes, un projet en partie financé par la Banque mondiale, et devrait permettre à plus de 90 000 ménages, plus de 4 300 entreprises, 535 écoles et 445 centres de santé d'avoir accès à l'électricité grâce à des systèmes solaires autonomes. Mireille Kanyang. Et les consommateurs des produits Brarudi de la province Karusi se lamentent de la montée illégale de leur prix. Les détenteurs de débits de boissons indiquent que ces produits sont uniquement distribués par le grand dépôt de la Brarudi et parviennent aux détaillants avec un prix élevé. Le gouverneur dévote Nizigimana affirme avoir constaté des illégalités dans la commercialisation de ces bières et limonades et prévoit d'en discuter au cours d'une réunion avec tous les concernés, Blaise Pascal Kararumi. Ces lamentations sont de la part des commerçants grossistes et détaillants de ces produits de la Brarudi et surtout les consommateurs de ces derniers dans la province Karusi. Les grossistes et propriétaires des dépôts de ces produits grognent qu'ils passent presque 3 mois leur dépôt étant fermé, de même que la plupart des cabarets de la place. Ils signalent que depuis lors, les produits Brarudi qui arrivent dans la province Karusi sont directement distribués à certains bistrots qui ont été ciblés dans la province à partir du dépôt Mega SSD. Les propriétaires de ces cabarets qui ont été ciblés s'approvisionnant au Mega affirment qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour que ces produits leur arrivent à partir du chef-lieu de la province Karusi. Ils signalent que c'est de là que le respect du prix officiel n'est plus possible. C'est ainsi qu'ils vendent la bouteille de Primus à 3000 francs, 4000 et même 5000 francs, alors qu'elle devrait s'acheter 2500 francs. La bouteille d'Amostel à 4 000, 5 000 et même plus, alors qu'elles s'achetaient 3 500 francs. C'est au moment où ce sont ces grossistes qui devraient faire parvenir ces boissons au niveau des différentes localités où se trouvent ces bistrots. Aimable Habiyakare, gestionnaire et exploitant de ce dépôt Mega SSD, et le délégué de la Braroudi dans la province Karoussi, indique que la distribution actuelle de ces produits se fait suivant les recommandations qui leur sont données à partir de la Braroudi. Des recommandations que les commerçants et certaines autorités administratives disent ne pas être au courant. Le gouverneur de la province confirme qu'il se remarque actuellement des irrégularités dans la vente actuelle des produits de la Braroudi. De votre Nizgimana a même décidé de suspendre son mercredi que le bistrot qui était ciblé à Péréfortress ne s'approvisionne plus au dépôt Mega SSD en attendant de nouvelles mesures. Elle informe qu'une réunion à l'intention de tous les concernés se tiendra incessamment. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Sanganiro. Merci Blaise Pascal Kararoumié. Et en page éducation, les élèves vivant dans les quartiers du nord de la ville de Bujumbura et candidats à l'examen d'État affirment que les préparatifs vont bon train. Leurs enseignants font savoir qu'ils se présentent chaque jour pour les aider à réviser les matières qui feront objet d'évaluation. Jean-Marie Vianney Ngendakoumana a visité certaines écoles. Les élèves du lycée municipal Kamenge, candidats à l'examen d'État, faut savoir qu'ils se préparent bien pour le moment par la révision des cours qui feront objet de l'examen. L'un d'eux indique qu'il espère réussir du fait qu'il y prend 10 heures de révision chaque jour. Concernant donc l'État édition 2024, nous sommes capables maintenant de le faire et nous croyons que nous serons donc à merci de faire face à n'importe quelle question. Donc le temps que nous passons par jour pour réviser les épreuves type ainsi que les exercices, que dans le matin on prend au moins 5 heures de révision et pendant la nuit 5 heures encore. Ange Nina Hazwe, préfet des études à cette école, indique que les programmes de cours sont achevés. Pour le moment, les professeurs aident les élèves à faire la révision des cours. Les pratiques sont en cours, les élèves se regroupent ensemble pour faire des exercices, donc ils s'entraînent eux-mêmes. Et lorsqu'ils rencontrent des difficultés, ils appellent les professeurs viennent les aider. J'invite à tous les élèves de s'entraider eux-mêmes et de faire beaucoup d'exercices et de faire les épreuves types. Même au lycée Sainte-Famille Kinahama, les préparatifs de cet examen vont bon train, comme le témoigne Chiza Géraldine, enseignante à cette école. Elle exhorte les parents à donner du temps suffisant à leurs élèves pour cette période. Oui, les enfants se préparent bien. Nous sommes prêts pour venir les aider à réviser leurs cours. N'importe quel professeur est prêt pour eux. Même pendant les vacances, nous sommes prêts pour les aider. La passation de l'examen d'État édition 2024 est prévue du 9 au 12 juillet 2024. Merci Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana pour toutes ces précisions. Et en province de Bubanza, avant de clore ce journal, plus de 1600 enfants de la commune Gihanga en âge scolaire restent à la maison. Certains n'ont pas été inscrits pour l'année scolaire 2023-2024, alors que d'autres ont abandonné l'école selon les responsables scolaires. Le président du syndicat STEB précise que tous ces enfants doivent regagner l'école l'année scolaire prochaine et les parents promettent qu'ils vont s'y mettre même si des défis ne manquent pas. Rémi Senguiyumva l'a déclaré ce jeudi à Gihanga au cours des séances de sensibilisation sur la promotion, la protection et la lutte contre le travail des enfants. Space Caritas Kabanyan. Le taux d'abandon scolaire dans cette commune de Gihanga est très élevé selon Rémi Senguiyumva, représentant du syndicat STEB au niveau national, raison pour laquelle ce syndicat a pris l'initiative de prendre le devant en collaboration avec la communauté afin de retourner tous les enfants à l'école. Rémi Senguiyumva. Nous avons déjà fait une enquête. Nous avons trouvé que le taux d'abandon scolaire était vraiment à un niveau un peu plus inquiétant. Il y a dans les ménages que nous avons parcourus, parcouru dans les trois collines 1642 enfants en âge d'aller à l'école qui ne sont pas là. Certains n'ont pas eu accès à l'école, d'autres ont abandonné l'école. Alors nous avons voulu participer pour que la communauté sache que le syndicat n'est pas là pour parler des droits et devoirs des enseignants seulement. On sera à cette étape dans les années prochaines, mais nous voulons que tous les enfants en âge d'aller à l'école soient à l'école. Au moment où les parents et les éducateurs parlent de la pauvreté des familles comme cause principale des abandons scolaires, Rémi Sengyumva jette plutôt la responsabilité aux parents et à l'administration. La première cause, après avoir parcouru toutes les causes, c'est la négligence des parents. C'est le comportement des enfants. Mais tout revient sur nos parents et sur l'administration. Parce que l'administration devrait nous aider à mettre en application la loi. Il faut que le parent sache que son enfant n'est pas à lui seul l'enfant du pays et a droit à l'éducation. Ce sont ses parents qui amènent ses enfants dans les travaux. Il est utilisé parce qu'il est moins cher, il ne connaît pas encore la loi. Ce travail de retourner tous les enfants à l'école qui a commencé en zone Rukaramu de la commune Mutimbuzi arrive actuellement à Gihanga et va même continuer dans d'autres communes selon Rémi Sengyumva, représentant du syndicat STEB. Spes Caritas Kabanyana, Mwanza, Radio Isanganiro. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Kugimana qui l'a mise en onde à la présentation. Vous étiez avec Jean de Dieu et la Cosé. Au revoir. Isanganiro.